Lui, il a traversé tout le pays pour atteindre le Grand Ouest. Équipé d'un vieux fut, d'un gros sac et d'une veste, il se prend pour un aventurier à raison ou à tort. Il est parmi tant d'autres un simple chercheur d'or. Il retourne toutes les rivières en secouant son tamis. Il traque la moindre lueur, il en rêve même la nuit. Il soulève chaque caillou pour voir ce qu'il y a en dessous. Il lui arrive même de chercher jusqu'à s'en rendre sous. Il ausculte tous les grains de sable pour dénicher la pépite. Il sait prendre son temps, ne jamais aller trop vite. Quand il rentre chez lui, je te jure qu'il cherche encore. Ses yeux sont des radars, c'est un vrai chercheur d'or. Ça lui a pris un beau jour en voyant les autres partir. Il s'est dit pourquoi pas moi, je pourrais peut-être m'enrichir. Et puis parcourir le monde avec son sac à dos, c'est peut-être au bout du compte le plus beau des cadeaux. Quand il trouve un peu d'or, pour lui plus rien n'existe. Il ne voit plus, n'entend plus, il est comme un autiste. Alors il en veut plus, il chercherait jusqu'à sa mort. Il est parmi tant d'autres un simple chercheur d'or. Moi, j'ai traversé toute la pièce pour atteindre mon petit bureau, équipé de ma main droite, d'une feuille et d'un stylo. Je me prends pour un poète, peut-être un vrai, peut-être un naze. Je suis parmi tant d'autres un simple chercheur de phase. Je retourne toutes les phrases en secouant mon esprit. Je traque la moindre rime et j'en rêve même la nuit. Je soulève chaque syllabe pour voir ce qu'il y a en dessous. Il m'arrive même de chercher jusqu'à m'en rendre sous. J'ausculte tous les mots pour dénicher la bonne terminaison. Je sais prendre mon temps, la patience guide ma raison. Même quand je sors de chez moi, je profite de la moindre occasion pour pécho de l'inspiration, je suis un chercheur de phase. Ça m'a pris petit à petit en voyant les autres écrire. Je me suis dit poser mes textes, ça pourrait me faire plaisir. Et puis trouver le bon mot et le mettre à la bonne place, c'est peut-être ça le plus kiffant, la bonne rime efficace. Quand je trouve une bonne phase, pour moi plus rien n'existe. Je ne vois plus, n'entends plus, je suis comme un autiste. Alors j'en veux plus, je veux qu'on se souvienne de mon blaze. Je suis parmi tant d'autres un simple chercheur de phase. Ouais, c'est mon petit bureau, t'as vu le parallèle, frérot. Et si tu pars à Lille, t'es zéro, car ça se passe là dans ton bistrot. Moi, je fais le pari que tu tapes des barres dans tous les bars de Paris. Et si tu ris pas et que tu te barres dans ta barre, oublie mon pari. Car si je viens juste dire des mots, tu peux pas me maudire. Même si je fais ni du Rimbaud ni du Shakespeare, je sais qu'il y a pire. Je te jure, respire, je pourrais faire du Britney Spears. Te faire kiffer toi-même, tu sais que c'est à ça que j'aspire. Moi, je veux écrire des tas de phases et te les sortir avec un mot phrasé. Je veux t'envahir de phrases, quitte à ce que tu te sentes déphasé. C'est pas avec des jeux de mots que je vais pouvoir dire que je pèse. Encore moins que je vais pouvoir pécho Jennifer Lopez. Mais si tu m'écoutes, c'est déjà une victoire. Écoute que coûte, je ferai tout pour faire kiffer mon auditoire. Et même si ce texte, c'est pas encore l'extase, t'auras compris le contexte, je suis un chercheur de phase. Sancho, chercheur de phase, parmi tant d'autres, chercheur de phase.